Mosaïque. La radio Isanganiro traite les questions de la région des Grands Lacs. Mosaïque. C'est en partenariat avec l'organisation La Benevolentia. Mosaïque. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, ça dépend de là où vous nous suivez. C'est notre moment de vous retrouver dans l'émission Mosaïque qui vous a été préparée par la radio-télévision Isanganiro. L'émission du jour est centrée sur l'état des lieux des activités économiques dans la zone de Gatumba et ses environs face aux impacts du conflit à l'est de la RDC et comment les relancer en ces moments. Depuis février, la recrudescence du conflit armé dans l'est de la RDC a fortement affecté l'économie locale du Burundi, en particulier à Gatumba, zone frontalière stratégique. Le commerce transfrontalier et les transports, notamment entre Bujumbura et Uvira via la RN4, sont quasiment à l'arrêt. Cette paralysie économique menace les moyens de subsistance des commerçants des deux pays. Avant la crise, un tiers des exportations burundaises étaient destinées à la RDC. La situation actuelle soulève des enjeux cruciaux liés à la résilience locale, à la coopération régionale et aux alternatives économiques à envisager. Dans ce studio, nous avons deux invités, à savoir Jean Samandari de l'Association des commerçants du Burundi à Kobo en sigle. Bonjour et bienvenue dans Mosaïque. Oui, bonjour et je salue tous les auditeurs. Le deuxième invité, il s'agit de Diomède Ninheretse, économiste. Bonjour monsieur et bienvenue dans Mosaïque. Merci et merci pour l'invitation. Je salue tous les auditeurs. On avait aimé être avec Jacques Roussengo, directeur général du commerce au ministère du commerce, de transport et de l'industrie. Mais celui-ci nous a indiqué qu'il a été empêché dans les dernières minutes. À la prise du son et image, je suis avec Séraphine Hakizimana, Berthier Mugiraneza et Cédric Nibishaka, Alain Désiré Boukeneza à la réalisation, à l'animation. Vous retrouvez Évariste Ndikomanyanga. Mosaïque. La radio Isanganiro traite les questions de la région des Grands Lacs. Mosaïque. C'est en partenariat avec l'organisation La Benevolentia. Mosaïque. Plantons le décor de ce débat avec ce reportage réalisé chez les commerçants de Gatumba et chez ceux qui assurent le transport en commun sur la RN4. Route Bujumbura-Gatumba. Sur la route Bujumbura-Uvira, la circulation des véhicules qui assurent le transport des personnes et des biens est très faible par rapport à la circulation qui prévalait avant l'extension de la guerre à l'est de la RDC. L'exemple est celui du parking des véhicules qui font les navettes Bujumbura-Uvira, qui, leurs conducteurs, précise que le travail est dans la paralysie totale. Abakore no ngahe buvira muri make nta kazi gahari kuko inzira ihiyindi. Même pour ceux qui prennent la direction de Vira, il n'y a pas du travail. On peut passer 4 jours dans ce parking sans avoir aucun client. Les documents expirent alors qu'on travaille à perte à cause de cette guerre qui se déroule en RDC. D'autres activités économiques, en l'occurrence le commerce, sont sans bénéfice actuellement, indiquent les commerçantes et commerçants de la localité. Ils expliquent qu'ils ouvrent leurs magasins, ne fût-ce que pour trouver des taxes et impôts de l'État. Car les clients de jadis ne viennent plus. Nous passons toute la journée sans avoir aucun client. Nos clients provenaient de Bukavu et Goma, mais aujourd'hui, ils ne viennent plus. Aujourd'hui, nous ne travaillons que pour avoir les taxes de l'État. Rien ne va. Les problèmes socio-économiques sont énormes. Le chef de zone Gatumba, Jean Muyoboke, confirme ce qui est dit par ceux qui font le commerce dans sa zone. Cette autorité ajoute que pour lutter contre le chômage chez ceux qui faisaient le commerce transfrontalier, l'on les sensibilise à mener d'autres activités génératrices de revenus pour éviter la délinquance. twebwe twarashobye guhimiriza abene gihugu barabakora. L'on doit s'adapter à tout changement dans la vie. Nous avons essayé de sensibiliser ceux qui faisaient le petit commerce de l'autre côté de la RDC à le faire dans des marchés locaux et la plupart l'ont fait et ont été bien accueillis par les gestionnaires de ces marchés en attendant que la situation se normalise en RDC. Que ce soit les commerçants de Gatumba, que ce soit les transporteurs, l'idéal est la stabilité, de la paix et de la sécurité à l'est de la RDC pour que la vie puisse reprendre. Voilà, ce sont là les dires des commerçants de Gatumba et des transporteurs qui assurent le transport sur la route Bujumbura-Gatumba, la RN4. Quels sont vos commentaires, chers invités, par rapport à ces dires et des commerçants et transporteurs? On commence par Jean Samandari de Lakobu. Je signale aussi que vous êtes natif de Gatumba. Oui, merci. Je pense que, comme on vient de l'entendre, les commerçants et les transporteurs en général, et plus particulièrement ceux de Gatumba, éprouvent des difficultés énormes suite à la crise politique qui s'observe en RDC, en République démocratique du Congo. Mais aussi, cela s'est amplifié avec aussi les inondations de la zone de Gatumba. Et on peut aussi ajouter des difficultés liées au contrôle douanier. Ce sont ces trois principales difficultés que nous pouvons enregistrer en matière du commerce transfrontalier et qui secoue les commerçants de Gatumba. Et comme vous l'avez aussi entendu, avec des conséquences énormes. Notamment, c'est la pauvreté qui s'observe au niveau des ménages, au niveau de ces commerçants transfrontaliers qui aujourd'hui n'ont plus des choses à faire, n'ont plus de commerce à faire comme avant la crise. Mais aussi avec l'inondation que j'ai soulignée, ça a permis, ça a aussi des conséquences au niveau des destructions des ménages, des maisons, et aussi ça avec des conséquences où le gouvernement avait décidé de les transférer dans d'autres localités. Et cela impacte énormément le commerce transfrontalier, surtout aussi, comme on l'a souligné, les commerçants qui venaient de la RDC et plus particulièrement de Bukavu, de Goma, donc à l'est de la RDC, aujourd'hui qui n'ont plus accès avec la frontière de Kavimvira, Gatumba. Ça aussi, ça cause des problèmes énormes. Donc, Gatumba est en voie de disparition? Je ne dirais pas qu'elle est en voie de disparition, mais il y a une résilience qui doit être observée avec la population de Gatumba, qui aujourd'hui doivent aussi se donner à d'autres activités en dehors du commerce frontalier, qui était la source principale des revenus. Et comme vous l'avez aussi entendu avec le transport, aujourd'hui, la RN4 est accessible, mais pas comme avant la crise avec la RDC. Puisque, comme vous le connaissez, la plupart des marchandises venaient de Bukavu, venaient de Goma, pour transiter par Gatumba avec la RN4, et vice-versa. Et même les commerces qui venaient de Burundi passent par la RN4 et va jusqu'à Bukavu et Goma. Maintenant, ces deux villes sont aujourd'hui inaccessibles. Et on ne fait que se limiter seulement à Uvira, avec aussi une population qui n'est pas commerciale, et qui n'ont pas de produits aussi commerciaux, où nos commerçants transfrontaliers allaient à Bukavu pour s'approvisionner, par exemple pour l'épargne. Mais aujourd'hui, ils sont en difficulté. Donc, les femmes là qui vendaient des pagnes en provenance de la RDC, maintenant, ils se rabattent sur les pagnes de la Free Textile. Nous sommes également avec Diomède Ninerete, économiste. Vous venez d'entendre, je dirais, les pleurs des habitants de Gatumba et de ses transporteurs. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, c'est un constat de désolation, c'est un constat amer, ce sont des lamentations fondées et réelles du vécu quotidien de la population de Gatumba depuis un bon moment, depuis le début de la crise de M23 et la RDC. Donc c'est vraiment une grande lamentation, un désespoir qui se dessine sur le visage de cette population, qui se disent qu'ils ne savent pas s'ils savent se vouer. Alors voilà, c'est un constat, donc je ne dirai pas plus. Mmh. Oui. Vous ne direz pas plus, on a entendu les commerçants mais qui passaient la journée sans avoir n'offusque qu'un client. Vous avez entendu les transporteurs qui passent 4 jours. Oui, c'est vraiment ça, c'est vraiment la conséquence de cette guerre. Et d'ailleurs, même si je vous demanderai encore une fois aussi de tendre le micro aux autorités administratives et douanières, notamment les douaniers de Gatumba, probablement pour leur demander aussi les conséquences. Mm-hmm. En plus, effectivement, on comprend bien que les revenus, le pouvoir d'achat de la population de Gatumba a diminué. Et j'estime aussi que même l'autorité politique, administrative et économique sur le poste de Gatumba devrait dire la même chose. Je pense que les recettes du Burundi, maintenant, ont diminué. Mm-hmm. Voilà, donc il y a des conséquences à tous les niveaux. Quand il y a une guerre, c'est toujours comme ça. Mais effectivement, on sait très bien que les Burundais exportaient beaucoup les haricots, les bananes, les farines, voilà, de manioc et tout ça. Maintenant, c'est fini. On ne voit pas des gens, effectivement. On se retrouve où les gens ne peuvent pas avoir l'accès à cette frontière qui est très stratégique. La RN4, effectivement, c'est une route stratégique, d'ailleurs, qui est parmi les corridors nord. Les corridors nord où, effectivement, on reconnaît que c'est le Rwanda, la Tanzanie, la RDC, le Burundi. Donc, au moment où c'est devenu impraticable avec l'insécurité, on comprend bien les conséquences énormes. Ça, c'est du côté du point de vue économique. Du point de vue social, il faut comprendre qu'effectivement, plus de 10 000 de la population ont quitté Bukavu pour venir ici s'installer à Bujumbura. Alors que cette population à Bukavu s'occupait des questions, des travaux quotidiens pour le développement de leur pays et augmenter le pouvoir d'achat. Maintenant, ce sont des prédateurs économiques qui sont ici, ils sont assistés par le Burundi, alors que ce sont des gens qui venaient acheter certains produits et services au Burundi. Donc ça, c'est du côté social, ça ne marche pas. Du côté politique aussi, c'est un problème. Et du côté même, vous savez que quand on le veille ou pas, le Congo, c'est un marché pour le Burundi. Parce que d'abord, c'est un pays trop vaste et qui dispose beaucoup de ressources. Effectivement, il faut reconnaître aussi, même si c'est informel, qu'il y a certains produits qui venaient du Congo, notamment certains produits miniers qui viennent du Congo et qui transitent au Burundi de manière informelle. Maintenant, avec la crise, maintenant, c'est généralisé. Il suffit de regarder les produits Burundi, maintenant, comment ce qui se passe. C'est l'informel. Donc, à chaque fois qu'il y a une insécurité, il y a une situation d'informel qui se crée. Donc il y a beaucoup de problèmes, peut-être dans les détails on pourra le voir, mais d'emblée c'est vraiment une situation alarmante que l'autorité politique des pays devrait se rencontrer effectivement pour voir comment effectivement au moins atténuer la situation, au moins créer un autre corridor ou un autre poste ou éventuellement renforcer la sécurité et aussi entrer en marche avec l'autorité congolaise pour pouvoir permettre à la population de pouvoir évacuer aux activités quotidiennes. Sinon effectivement, du côté de la population ça ne marchait pas, mais aussi du côté de l'autorité politique aussi ça ne marchait pas. Il suffit de regarder les recettes de l'Aubert pour le moment, je crois que les recettes sont en baisse. Jean Samandari, peut-être qu'il a l'historique de Gatumba et surtout la RN4. Les gens aimaient dire que la route nationale numéro 4 était considéré comme un axe stratégique pour le commerce burundais. Qu'est-ce que vous en dites? Vous avez l'historique de cette route? Oui, c'est une route très capitale pour le Burundi et c'était une sortie principale vers la RDC. Et à titre illustratif, je peux vous donner que les statistiques de l'Aubert pour l'année 2023 montrent que plus de 89% des exportations du Burundi vers les pays de l'Afrique centrale étaient destinées à la RDC. Donc, vous comprendrez que ça passait par la RN4, principalement. Et c'est une route aussi qui est aussi une sortie non seulement pour la RDC, mais aussi de la RDC au Burundi. Donc c'est une route où il y avait la transaction, où il y avait le déplacement, la libre circulation de la population des pays sans problème. Et aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, comme vous pouvez le constater aussi, c'est une route dont le mouvement a diminué compte tenu de cette crise. Mon ami, M. le professeur Deo, a dit des choses essentielles, notamment du point de vue économique, du point de vue social. Et la population de Gatumba en souffre, comme je l'ai déjà dit, en souffre, puisque même il y a les services qui étaient rendus par la population vers la RDC, que ce soit à Bukavu, que ce soit à Goma, que ce soit à Uvira, où les gens allaient pour prêter des services, que ce soit au niveau des cultivés, que ce soit au niveau des constructions, que ce soit donc des maçons, mais aussi d'autres travaux importants qui ramenaient les moyens pour survivre aux familles. Mais aujourd'hui, ils sont bloqués. Ils sont bloqués et donc c'est une crise qui a un impact très négatif sur le commerce et sur le transport au niveau de notre population en général et en particulier à celle de Gatumba. Mmh. Oui, quand on a été à Gatumba, il y a quelques-uns qui ont requis l'anonymat, nous disant que la grande majorité de cultivateurs cultivaient de l'autre côté de l'Ouvira des grandes étendues de maïs, mais aujourd'hui qui ne s'y rendent plus, et même les cultures qu'ils ont laissées là-bas, ils n'ont pas eu l'autorisation d'aller faire la récolte, d'aller faire la cueillette. Ça aussi, c'est déplorable. Oui, exactement. La population de Gatumba, c'était une population qui était en bon terme avec celle de l'autre côté de la République démocratique du Congo. Donc, il y avait ce mouvement-là qui était facile et c'était facilité même aussi au niveau de la frontière. Et les exigences au niveau de la police n'étaient pas très exigeantes pour les déplacements de la population de Gatumba vers la RDC et vice-versa. Donc, avec votre carte d'identité, vous y rendez en RDC sans problème, sans exiger le passeport ou les laisser passer. Donc, on utilisait le bon document. Voisinage. Oui, Ujirani Mwema. Donc, et cette population exploitait facilement les terrains de la RDC, puisque vous voyez que la RDC, c'est vaste. Il y a aussi des étendues qui sont encore vides, qui ne sont pas exploitées. Et comme nous avons des problèmes, des difficultés de trouver des étendues exploitables au niveau de Gatumba, vous voyez que le parc a pris une grande partie. Il y a les eaux aussi. Oui, il y a les eaux. Exactement, ça fait plus de 4 ans que la zone est inondée chaque année. Alors la population se rabattait maintenant de l'autre côté pour exploiter les champs et pour faire des cultures. Maintenant, avec la crise de février 2025, ça a tout chambardé et a causé des problèmes néfastes à cette population-là qui exploitait ces terrains. Donc, ce sont des conséquences négatives pour notre population et aussi pour leur famille. Oui, Monsieur Diomède, ouais. L'intérêt de économiste, tout au long de la route Gatumba, de route Bujumbura-Uvira, du côté d'Okajaga, il y a des belles constructions, des hôtels, des bistrots au standing. Ouais. Chaque vendredi, on voyait l'affluence des Congolais qui provenaient de Bukavu, de Goma. Maintenant, aujourd'hui, c'est le désert. Oui, c'est le désert. Il faut comprendre que les Congolais ont un revenu important par rapport au Burundi. Surtout qu'ils ramenaient les devises. Si on devrait voir même le produit intérieur brut d'un Congolais, et aujourd'hui, il est estimé, si je dois prendre les statistiques de 2023, un Congolais a un revenu moyen de plus de 700 $ par 700 $. Au moment où en Burundi, si on prend les statistiques de la Banque mondiale, c'est estimé à plus de 270 $. Autrement dit, c'est le triple des revenus. Et aussi, il faut comprendre que les Congolais ont une culture de consommation. Une culture de consommation, surtout qu'effectivement, ils ont des ressources énormes. Donc, les Congolais, effectivement, venaient pour le tourisme. Donc, si on analyse alors les hôtels maintenant, il suffit de visiter les hôtels de Bujumbura. Maintenant, il faut voir que les hôtels de Bujumbura ne sont pas exploités, ne sont pas occupés. Il suffit de visiter les grands hôtels que nous connaissons, même si en ville de Bujumbura, je crois qu'on devrait voir les recettes. Les hôtels se retrouvent dans les difficultés financières, tellement qu'il y a lieu de penser à la faillite. Et voilà, donc, en plus des inondations, bien évidemment, en plus de ce mouvement d'insécurité, alors, les Congolais qui avaient l'habitude, effectivement, de faire leur commerce, qui avaient l'habitude, effectivement, de développer certains produits et certains services, maintenant, ils sont dans le désarroi. Ils sont ici pour attaquer le fusil. Ils sont beaucoup plus dans la recherche d'une assistance. Donc, on comprend très bien qu'effectivement, le pouvoir d'achat des Congolais a diminué. Et en conséquence, effectivement, les Burundais qui bénéficiaient effectivement des consommateurs congolais, ça va, ni doute que ça donne une conséquence néfaste. Donc, pour moi, je vois très bien. Et puis, il faut regarder les infrastructures au Congo, les écoles, les hôpitaux, les services, les banques ne fonctionnent plus au même rythme. Alors que, effectivement, les Congolais étaient là, effectivement, pour acheter. Mais aussi, il y avait aussi certains produits qui, notre ami disait qu'il y avait des femmes qui faisaient le commerce des épargne, mais là, ça ne marchait pas. Donc, on voit qu'effectivement, cette crise de M23 et la RDC a causé beaucoup de problèmes au niveau politique, au niveau économique, au niveau social. Là, il faudra aussi aller même dans le domaine des droits de l'homme, où les gens, effectivement, sont souvent tués, voilà, c'est une base non légale. Donc, il y a autant de conséquences. Et donc, je crois que ce qui est important, effectivement, c'est de comprendre qu'il faut que cette guerre se termine. Et je crois qu'il y a eu des négociations. Maintenant, on commence quand même à voir qu'il y a un petit trafic qu'il faut absolument continuer dans ce sens, sinon le Burundi est là, il est en train de perdre au même titre que le Congo. Je me dis qu'effectivement, les gens qui avancent les pourparlers devraient le faire très rapidement pour qu'effectivement cette élémentation que nous avons écoutée de la part de la population, ce chômage des transporteurs, ce pouvoir d'achat qui continue à diminuer de tous les côtés burundais, congolais, il faut que ça cesse et aller et relancer l'économie comme on l'a toujours vu se développer. On parle de la souffrance du côté du Burundi. Est-ce que les Congolais qui n'ont pas fui, qui sont restés à Goma, qui sont restés à Bukavu, et aussi sont en souffrance, qui n'ont pas de marché? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, quand il y a une crise, que vous avez les moyens de fuir la guerre, que vous restez dans la zone de conflit, effectivement, quand il y a la zone de conflit, il y a d'autres normes, d'autres règles. Maintenant que la RDC est occupée par M23 ou autre, bien évidemment, ce commerce n'est pas là. Ce sont des gens qui sont en train de consommer les stocks. Ils sont là pour consommer les stocks, ils ne sont pas en train de produire. Voilà, regardez même les gens qui sont restés là. Maintenant, les Burundais, quand même, est en train de profiter pour vendre des produits de la Brarudi. Maintenant, on comprend très bien que même les Burundais, nous sommes en train de souffrir. Regardez maintenant, une bière coûte 10 000. Et on nous dit que maintenant, les bières sont transportées vers le Congo. Et le Congolais, là, est en train de consommer aussi, si l'emprunt est aussi élevé. Et il y a des conséquences de tous les côtés. Donc, que vous restiez au Congo, quand il y a une guerre, il ne va pas y avoir un repis. Il faut qu'il y ait effectivement cette stabilité pour qu'il y ait une production. S'il n'y a pas une production, et puis, il faut comprendre que le Congo aussi, c'est un pays qui est très assisté au niveau international. C'est plus de 2 milliards par an, des milliards de dollars par an pour des fonds qui viennent de l'étranger. Maintenant qu'effectivement, il y a cette insécurité, c'est-à-dire que la coopération internationale au Congo cesse tout de suite. Et quand il n'y a pas une coopération internationale pour le développement, ça ne marche pas. Le Burundi, c'est la même chose. Les gens qui devraient investir au Rwanda, maintenant, plutôt au Burundi, vont dire « Vous êtes proche de Bukavu. » Et maintenant, des grands investisseurs de la région ne viennent plus investir. Il faut comprendre que quand il y a une guerre, ce n'est pas le Congo seulement qui souffre. Parce que généralement, pour les grands investisseurs, ils viennent généralement en visa le Congo, mais aussi ils viennent s'installer certaines bases ici à Bujumbura. Parce que c'est facile ici à Bujumbura de pouvoir assurer l'administration à partir d'ici. par rapport au Congo qui est trop vaste. Donc il y a des commerçants et des investisseurs stratégiques qui préfèrent venir investir au Burundi, mais aussi en ayant beaucoup plus le garda au Congo. Donc tout ça affecte négativement le développement des deux pays. Quelle est l'analyse que vous feriez à quelqu'un qui se demande pourquoi la RDC représente une destination majeure par les exportations burundaises? Il faut comprendre que d'abord c'est un pays qui a une population de plus de 90 millions. Et dans une économie, au niveau de l'offre et de la demande, ce qui est important, c'est la consommation. Et quand il y a une consommation, c'est un grand marché. Maintenant, ici au Burundi, nous sommes presque 13 millions. Donc, vous comprenez bien que le marché, le Congo, c'est un grand marché. Et puis, deuxièmement, le Congo, c'est un pays qui a des ressources énorme, très riche. On ne va pas parler des minéraux qui existent là. Et c'est pour cela que le Rwanda, les autres pays occidentaux, même américains, continuent toujours à beaucoup plus s'intéresser à cette région. Donc, pour les Burundais, pour le Burundi, mais pour la région, le Congo, c'est vraiment un berceau économique. Et voilà, donc, il suffit de regarder le lac aussi. Le lac qui était exploité par le Congo, les Burundi. Donc, c'est un pays très frontalier. Si le Congo se développe, le Burundi, effectivement, devra bénéficier beaucoup d'avantages dans ce sens. Donc, pour moi, ce qui est important, du point de vue marché seulement, ça suffit pour comprendre que le Congo, c'est un pays stratégique pour le Burundi et que le Burundi doit effectivement faire des efforts pour effectivement stabiliser non seulement la région de Gatumba, mais aussi sur la série qui est même au-delà de Gatumba, même à Bukavu, effectivement. Je disais, nous autres qui vont, par exemple, enseigner au Congo, on voit que maintenant les activités sont au ralenti, on n'enseigne plus là, parce qu'effectivement, il y a une insécurité. Donc, on comprend, même déjà qui venaient ici pour certains services de la santé, il suffit de regarder Kira, par exemple. Ce sont des Congolais qui venaient se faire soigner, et ils amenaient des devises. Donc, ce n'est pas seulement le commerce transfrontalier, même pour aussi les services, même pour des services de garages. On voit qu'il y avait des Congolais qui venaient faire réparer les véhicules ici. Donc c'est vraiment la paralysie économique généralisée pour les gens de la mairie de Bujumbura, beaucoup, d'une manière générale, déjà y compris les gens de Gatumba et d'autres populations environnantes. Oui. Merci beaucoup. Jean Samandari, les gens qui entendent que la RTC représente une destination majeure par les exportations burundaises, peut se demander si les Congolais sont paresseux, qu'ils ne font plus de l'agriculture, puisqu'on a constaté que les Congolais viennent s'approvisionner à Gatumba. Effectivement, comme vient de le dire cher Diomède, la RDC, je pense que c'est un endroit où le Burundi peut bénéficier beaucoup de choses, notamment au niveau du commerce. J'ai donné les statistiques de l'Aubert de 2023, c'est très récent, avant l'année passée. Donc, plus de 85%, 89% sont consommés sont envoyés par un RDC. Donc, la population elle-même, le pays lui-même, c'est très vaste. Donc, un Congolais de l'Est avec un Congolais de l'Ouest à Kinshasa, vous voyez que c'est à plus de 2000 km à vol d'oiseau. Donc, il préfère s'approvisionner ici à Bujumbura, où c'est à 100 km par terre, au lieu d'aller à 2000 km vol d'oiseau. Cela veut dire que l'essentiel des Congolais se trouve ici, au Burundi. Non seulement à Gatumba, mais aussi au Burundi, ici à Bujumbura, que ce soit les services, que ce soit les commerces, c'est plus rapide. Même aussi l'aéroport. Le plus proche, c'est Bujumbura. L'aéroport Dada et Melchior. Au lieu d'aller à Kinshasa. Donc, vous voyez qu'à un certain moment, le marché des Congolais, c'est le Burundi. Ça se trouve ici. Et il a aussi souligné un point intéressant. Si je peux vous donner un exemple. Et avant, s'il y avait par exemple 10 000 personnes qui entraient par jour à partir de la frontière de Gatumba-Kavimvira vers le Burundi. Imaginez-vous que chaque Congolais qui entre au Burundi consomme 10 dollars par son entrée. Vous voyez combien de millions de dollars qui entrent. Mm-hmm. Donc, pour nous, c'était un atout. Mm-hmm. Ces Congolais qui venaient chercher des marchandises ici, ils venaient avec des devises et ils laissaient ça ici et ils retournaient avec les marchandises. Donc, tout cela, c'est une perte pour le pays et c'est une perte aussi pour la population, mm-hmm, avec cette crise. Mm-hmm. Mosaïque. La radio Isanganiro traite les questions de la région des Grands Lacs. Mosaïque. C'est en partenariat avec l'organisation La Benevolentia. Mosaïque. Je rappelle à ceux qui viennent de nous rejoindre et que vous suivez l'émission Mosaïque consacrée aujourd'hui à l'état des lieux des activités économiques dans la zone de Gatumba et ses environs face aux impacts du conflit à l'est de la RDC et comment les relancer en ces moments. Vous avez entendu les doléances des transporteurs qui transitent par la RN4 et vous avez aussi entendu les doléances des commerçantes et commerçants de Gatumba. Vous avez entendu leur ambition et de voir la guerre en RDC se terminer. Et on a entendu que l'administration locale de Gatumba a vite réagi pour sensibilisation à occuper les marchés locaux et continuer le commerce pour faire face à cette crise. Est-ce que occuper les marchés locaux, ça va tenir à ces commerçants qui étaient habitués à faire entrer des dollars, à faire 4 tours par jour pour transporter les Congolais aller-retour ainsi que du Medinderet? Non, d'ailleurs, vous venez de mentionner que dans ce que la population venait de dire par rapport à la situation de ce qu'ils vivent quotidiennement, on comprend très bien qu'ils maintenant, il se dit, voilà, il dit, nous travaillons pour l'État, nous travaillons pour l'impôt et taxes. Bon, quand on dit travailler pour l'État, ça dit on ne gagne rien. Et alors, ça c'est le constat. Si aujourd'hui les commerçants disent qu'ils ne gagnent rien, on comprend bien, pour faire le commerce, il faut une grande motivation. S'il n'y a pas un bénéfice, ça veut dire que d'ici, d'ailleurs, ça a commencé, effectivement, c'est ce qu'on disait, si on regarde le trafic, on dit que si on devrait faire 4 tours, maintenant, on fait un seul tour. Autrement dit, c'est-à-dire que ces gens-là qui bénéficiaient de ce commerce transfrontalier, c'est-à-dire que ces commerçants vont abandonner. Ils ont déjà abandonné. Ils ont déjà abandonné ce que vous avez entendu vous-même au niveau de ce micro baladé. Alors, ça, c'est le constat. Parce qu'on fait le commerce. Pourquoi, effectivement, tu posais la question, pourquoi maintenant les Congolais venaient au Burundi? C'est parce qu'il y avait un cadre légal et un contexte un peu particulier que le Burundi est un peu stable. Mm-hmm. Qu'il y a, effectivement, une administration forte par rapport aux Congolais avant même. Alors, maintenant, les gens préféraient venir et probablement consommer ici. Et les gens, parce que ici au Burundi, la vie est un peu facile par rapport à la vie d'un Congolais, au pouvoir moyen d'un Congolais. Maintenant que les Burundais, maintenant il y a une insécurité, effectivement, maintenant le Congolais, sa préoccupation aujourd'hui, c'est la sécurité. C'est sa survie d'abord, ce n'est pas la production. Alors, maintenant aujourd'hui, les Burundais qui avaient à marcher au Congo, maintenant, effectivement, les Congolais n'ont pas le pouvoir d'achat pour venir acheter. Mm-hmm. Parce que pour acheter, il faut avoir aussi le moyen. Alors, dans une économie, il y a l'offre et le demandeur. Et quand il y a le déséquilibre entre la demande et l'offre, maintenant, on comprend bien qu'il y a beaucoup de conséquences économiques, notamment même l'inflation. Je disais, par exemple, même si ce n'est pas l'objet de ce débat, que maintenant, les gens ont développé d'autres mécanismes de survie, notamment l'informel. Mm-hmm. Notamment l'informel, il suffit de regarder comment les produits bralodis sont vendus. Il suffit de regarder les produits de commerce comme les haricots, le riz, comment sont vendus. Maintenant qu'il y a une insécurité au niveau des frontières, maintenant, même les recettes qui devraient entrer ne passent pas sur la voie légale. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, il suffit de regarder les bières que nous achetons maintenant, viennent du Congo. Oui. Alors qu'elles sont fabriquées au Burundi. Parce que les Congolais aujourd'hui essaient de se résilier, essaient de venir probablement chercher des bières ici et vendre pour les devises. Mm-hmm. Donc je me dis qu'il y a beaucoup de conséquences. Donc c'est pas que tu disais que les Congolais sont fainéants. Non, les Congolais ne sont pas fainéants. Ce sont des gens qui travaillent aussi, mais quand même, les Burundais, nous avons un certain privilège au niveau de l'État qui s'implique beaucoup plus au niveau de l'agriculture. Donc, maintenant, effectivement, la production, le coût de production, ce que nous appelons le coût de production en économie, est moins cher par rapport au coût de production au Congo. Alors, les Congolais préfèrent effectivement développer d'autres services par rapport à la production agricole. Donc, aujourd'hui, effectivement, il suffit de regarder sur le visage des individus, il n'y a pas. Maintenant, avec les quand il y a une insécurité aussi, regardez maintenant avec le carburant. Maintenant, on trouve qu'il y a beaucoup du commerce informel que le Burundi ne bénéficie pas rapidement parce qu'il y a effectivement cette insécurité. C'est vraiment, il faut regarder d'une manière trop macro pour comprendre que l'économie burundaise est beaucoup plus affectée par cette crise. Ouais. Merci beaucoup. L'économie burundaise est affecté par cette crise. Jean Samandari est à la maison, à Gatumba, la population qui est là est dans la désolation totale. Quand on a été à Gatumba, le chef de zone nous dit « Oh, pour que les femmes ne retournent pas à la débauche sexuelle, pour que les gens ne soient pas attrapés en train de voler, on les a sensibilisés à occuper les marchés locaux. Est-ce que ça va tenir debout ?» Occuper les marchés locaux, c'est bon. Est-ce que ces marchés locaux existent ? Je ne crois pas. Je vous avais dit que le gros marché, c'était la RDC. Et si vous êtes allé à Gatumba avant la crise, vous pouviez constater que le matin, presque toute la population se rendait en RDC. C'est là où se trouve le marché. Que ce soit pour les commerces, que ce soit pour le transport, les taxis vélos, que ce soit pour l'agriculture, pour aller y cultiver. C'est ça, c'est là où s'est trouvé le marché. À Gatumba, c'est une zone inondée où, même là où la population s'attelait pour aller cultiver, c'est inondé. À un certain moment, il y a une petite partie qui reste sans se trouver dans l'eau. Et cette partie ne peut pas satisfaire toute la population. Donc, aujourd'hui, ce qui fait que ce marché que la population peut occuper, c'est un marché qui n'existait pas. Puisque les marchés qui devraient être occupés, c'était la RDC. Oui. Oui, Jean Samandari, la population sur place à Gatumba, ceux qui vont aux activités commerciales aujourd'hui disent ils travaillent pour les taxes et les impôts de l'État. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, je pense que Diomède en avait déjà parlé. Si un commerçant faisait 4 tours, 5 tours de l'autre côté. Aujourd'hui, il fait un tour. Vous comprendrez que le revenu est très faible. Quand le revenu est très faible, mais il doit payer les taxes. Il doit payer les taxes. C'est comme s'il travaille pour les taxes. Et avec des conséquences maintenant, cette population-là, ces commerçants, doit essayer de passer par d'autres voies illégaux. Puisque pour garder l'équilibre. Si, par exemple, il trouvait un bénéfice de 50 000 par jour et qu'avec la crise, il trouve un bénéfice de 10 000 par jour, ça ne suffit pas même pour lui, pour sa survie, et qu'il doit payer aussi les impôts, il va chercher d'autres voies pour contourner ses taxes et faire pour la survie. Donc, c'est cette voie-là qui peut être exploitée d'une manière ou d'une autre. Et avec des conséquences aussi. Puisque en traversant par les eaux, il peut rencontrer les hippopotames, il peut rencontrer des crocodiles et il peut risquer sa vie. Mais il préfère risquer sa vie pour gagner quelque chose pour la survie de sa famille. Est-ce que le gouvernement, le BR, ne peut pas cesser de faire payer les taxes et impôts pendant quelques temps comme une solution alternative? Oui, je pense qu'au niveau de l'Association des commerçants du Burundi, nous allons aussi entrer en contact avec l'administration, avec le gouvernement, pour faciliter les commerçants qui sont dans de telles difficultés. Et ils sont nombreux. Ce n'est pas seulement à Gatumba, c'est comme aussi à Rumonge, où avec cette crise, avec la RDC, les commerçants sont presque à bas. Donc le service commercial est presque inexistant actuellement. Donc ce sont ces genres de problèmes que nous identifions et que nous comptons aussi approcher les différentes autorités pour faciliter, pour donner des moratoires à ces différentes catégories de commerçants qui sont aujourd'hui en difficulté. Oui, et Dieu m'aide de l'intérêt. La guerre en RDC a éclaté. Après quelques mois, le Burundi et la RDC venaient de signer une convention pour faciliter le commerce et transfrontalier, le RECOS. Oui. Le RECOS est aussi en souffrance aujourd'hui. Oui, bien évidemment. Ce n'est pas la RECOS seulement, c'est toutes les conventions avec la CPG sont en souffrance. Il suffit de regarder avec la crise maintenant, même l'EAC maintenant ne fonctionne pas convenablement. Donc cette guerre-là du Congo a affecté non seulement le Burundi, le Congo, mais le Rwanda aussi. Peut-être qu'on ne parle pas le Rwanda maintenant, mais on comprend qu'il y a toutes les conventions, toutes les structures mises en place ne sont pas opérationnelles. Il suffit de regarder un député d'Oyala aujourd'hui, ça fait plus d'une année qu'il n'est pas là. Ça ne fonctionne pas. Aucun député maintenant d'Oyala n'est pas à Arusha ou dans d'autres. Il n'y a pas même ces structures-là mises en place. En dehors de ce que vous êtes en train de parler. Alors, en fait, quand on parle de la crise, vous parlez des marchés locaux. Les marchés locaux ne peuvent pas contenir la production locale. Mm-hmm. C'est pour cela qu'on cherchait des marchés à l'étranger, notamment au Congo. Parce que dans un pays où le pouvoir d'achat n'est pas là, les gens ne vont pas acheter. On parlait des hôtels. Combien d'hôtels sont vides ? Alors que les gens ont besoin d'aller manger, boire et danser, vivre la vraie vie. Mm-hmm. Donc, il ne faut pas comprendre. Le marché local burundais, c'est un marché qui aussi a des difficultés. C'est pour cela qu'aujourd'hui, d'ailleurs, même les sociétés les plus productives, et notamment la Baroudi, préfèrent aller vendre au Congo. Il ne faut pas vouloir chercher des solutions. Des sociétés intermédiaires diraient que le marché local peut contenir la production locale. C'est impossible, surtout qu'on a besoin de devises. Ce pays souffre énormément du manque de devises pour acheter certains produits que nous avons besoin, surtout pour la transformation de la production locale. Donc, autrement dit, le marché local, effectivement, avec cette situation, ça ne peut pas marcher. Donc, j'ai compris, effectivement, la proposition de l'administrateur de la zone, mais c'est une solution intermédiaire qui ne peut pas tenir longtemps. Ça ne peut pas tenir debout. Les gens ont besoin, effectivement, de produire, de vendre et surtout de gagner. Alors, un peuple sans pouvoir d'achat ne peut pas produire davantage. Mmh. Alors, par rapport à votre question des structures, ce n'est pas seulement, c'est beaucoup de choses qui sont ralenties. Donc, il suffit de regarder, effectivement, je disais, de certains mouvements, voilà, avec le débat du corridor nord. Maintenant, on n'entend pas ce débat. Alors qu'il y avait beaucoup de chantiers en cours. Mm-hmm. Donc voilà, et je pense que ce qui est important, effectivement, il faut que cette guerre cesse. Il faut qu'il y ait effectivement une solution définitive. Il faut, au lieu de penser que la population doit être résiliente et s'occuper des marchés locaux, il faut plutôt que l'autorité politique comprenne d'abord faire un diagnostic de la problématique. Comprendre que la guerre du Congo a affecté négativement l'économie burundaise. Après avoir compris, diagnostiqué l'état des liens, alors ils pourront effectivement proposer d'autres voies, notamment créer un corridor sécurisé où effectivement il faut négocier avec l'autorité congolaise effectivement pour laisser la population continuer au moins, parce que la guerre se trouve entre l'autorité politique M23 et l'autorité politique congolaise. Ce n'est pas la population qui devrait subir. Mais effectivement, les conséquences sont toujours, s'abattent toujours sur la population. Alors, il faut oser alors prendre le taureau par les cornes et dire voilà, notre population a besoin d'une sécurité. Voilà la zone sécurisée. Burundais, Congolais, continuer le commerce, les biens et les services. C'est dans ce sens qu'il faut aborder la question tout en comprenant que on gagne de tous les côtés. Le Congo gagne, le Burundi gagne, surtout par rapport aux recettes. Voilà. Donc je crois qu'il faut engager un dialogue sincère et les Burundais s'impliquer davantage. On comprend très bien que la guerre c'est entre le Congo, que ce n'est pas entre le Congo et le Burundi. Mais le Burundi, comme on gagne en termes du commerce, il appartient au Burundais effectivement de négocier ce corridor sécurisé pour qu'effectivement le commerce continue normalement. Oui, comme ça se passe en Ukraine, on a vu que le blé passe, les produits agricoles passent. Et cela éviterait effectivement ce commerce informel que nous voyons qui se développe. Ce n'est pas normal qu'on continue toujours à aller acheter du carburant au Congo. Ce n'est pas normal. Il faut que les gens comprennent que là, l'État perd d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas normal qu'on continue effectivement à aller acheter des bières au Congo. Parce que maintenant, et venir au Burundi, produit au Burundi. Les bières produites au Burundi. Vendues au Congo et revendues au Burundi. Et c'est, donc voilà, il faut comprendre dans son sens et que le Burundi ne doit pas laisser effectivement comprendre que la guerre, c'est entre les Congolais, surtout que nous sommes affectés d'une manière ou d'une autre. Et aller négocier, je comprends très bien qu'il y a certaines actions de l'association des consommateurs qui devra faire. Je crois qu'il faut faire le plaidoyer dans son sens pour qu'on dépolitise cette crise-là au niveau de la population tout au moins. Que la politique continue, mais que la population continue à vivre. Voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Jean Samandari, vous êtes de la COBU, l'association des commerçants du Burundi. Oui. Quelles sont d'autres solutions alternatives pour que cette population de Gatumba et ses environs, et en particulier ceux de Bujumbura en général, continuent à vivre, mais pas à survivre, à vivre. À vivre. Bon, je pense qu'avant de répondre à cette question, j'allais revenir à la première question que vous venez de reposer en rapport avec le régime commercial simplifié, l'ECOS. C'est vraiment un régime qui venait d'être mis sur pied au niveau de la frontière Gatumba-Kavimvira. Ça a été lancé le 30 octobre 2024. Et presque 4 mois après, avec la crise de la RDC de février, vous voyez qu'il y a un problème. Et c'est un régime qui donnait l'exemption des droits de douane pour plus de 66 produits listés en provenance de la RDC. Donc, ça, c'était vraiment pour faciliter le commerce entre les deux pays. C'est très important. Mais aujourd'hui, est-ce que ce régime va produire des impacts positifs, puisque le commerce là avec la RDC, c'est au ralenti. Ça, ce sont des conséquences de cette crise, qui, comme l'a dit Diomède, qui impacte non seulement la population, mais ça impacte aussi les revenus du gouvernement, les revenus de l'État du Burundi. Et si je reviens maintenant à la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que, comme l'a proposé aussi, entrer en contact avec les autorités pour trouver un espace libre pour les transports, pour le commerce et pour les produits et commerciaux, quitte à ce qu'on laisse les politiciens, la politique aux politiciens, mais il faut laisser le commerce à la population qui va en bénéficier, non seulement nous, la population burundaise, mais aussi la population de la RDC. Oui, puisque donc, pendant la guerre, on doit manger. Oui, on doit survivre, on doit vivre. On ne doit pas seulement se contenter de la survie, mais on doit vivre. On doit vivre. Et cela, ça doit passer par des négociations, par des contacts diplomatiques. Donc c'est un appel au gouvernement burundais. Oui, exactement. Le gouvernement du Burundi, vous voyez que quand même nous avons... On peut s'en féliciter puisque on a essayé de protéger notre frontière et en mettant à la disposition de la RDC, puisqu'il y a eu la convention avec les deux pays et pour la disponibilisation des forces de l'ordre de l'autre côté. Mais il faut aussi qu'on négocie en ce qui concerne en matière commerciale. Non seulement en matière sécuritaire, mais aussi en matière commerciale. Pour qu'il y ait un mouvement, un libre mouvement entre nos deux pays et jusque là où, à l'est du Congo. Jean Samandari, au niveau de la COBU, vous avez le sentiment que cette situation va s'améliorer dans les prochains jours, s'appuyant sur cet appel que vous venez de lancer. Oui, je pense que le gouvernement doit prendre en main cette proposition, cette opportunité de créer un corridor. Tout à l'heure, vous disiez avec l'Ukraine, on a créé un corridor pour que le blé puisse transiter facilement, que ce soit en provenant de l'Ukraine vers d'autres pays. Et cela aussi peut nous orienter. Et c'est pour cette raison majeure que nous demandons à notre gouvernement de s'atteler à cette proposition, à cette voie qui peut être exploitée et avec la négociation ou le pourparler entre les États et pourquoi pas avec aussi ceux qui sont maintenant aujourd'hui qui contrôlent l'Est du Congo. Pour l'intérêt non seulement de la population, mais aussi pour l'intérêt de notre pays. Oui, et nous sommes dans les dernières minutes de l'émission Mosaïque d'aujourd'hui. Vous avez parlé des alternatives comme solution, mais la cause majeure, c'est la guerre en RDC. La guerre, comment la guerre peut se terminer aujourd'hui? Tout à l'heure, vous parliez qu'il y a un pas franchi. On peut y revenir. Oui. La guerre, il faut comprendre que là où il y a les sociétés, il y a toujours des conflits. On ne va pas peut-être entrer en détail des vraies causes de la guerre, mais nous avons toujours pensé que chaque fois qu'il y a un malentendu, il faut s'asseoir sur la table de négociation et trouver une solution. Parce que la guerre au Congo, qu'on ne veuille pas, sur les Congolais qui se battent. Certes, il y a la main, entre guillemets, la main invisible du Rwanda et d'autres pays occidentaux, comme on aime bien le dire, et surtout qu'on a vu qu'effectivement, il y a effectivement des négociations qui ont débuté. Mais entre les Congolais, les gens doivent s'asseoir. Parce que je crois que d'ailleurs, c'est une crise qui date de très longtemps, sauf qu'en 2023, 2024, 2025, ça a pris une autre dimension, où on a impliqué le Rwanda et d'autres pays occidentaux. Voilà. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a un problème de partage du pouvoir. C'est le constat. C'est le constat qu'on politise et qu'on échappe à la question. Mais chaque fois qu'il y a un conflit, il faut s'asseoir. C'est vraiment là. Il faut comprendre quel est l'objectif de la guerre pour quelqu'un qui peut initier une guerre. Parce que jusqu'à aller faire une guerre, c'est souvent une frustration. Quand il y a une frustration, il faut toujours. Quand il y a une exclusion, quand il y a un manque de dialogue, qu'on ne le veuille pas, les pays tomberont toujours dans les crises et la guerre continuera toujours à être alimentée. Et la communauté internationale ou d'autres pays stratégiques qui pourront toujours profiter des faiblesses des pays pour pouvoir imposer une guerre. Parce que effectivement, quand les gens pensent que la guerre est là et qu'il y a quelqu'un qui alimente la guerre, c'est comme si au niveau interne, il n'y avait pas un problème. Et les individus viennent s'immiscer dans une guerre parce qu'il y a un problème interne. Voilà, c'est ce que je disais. Alors, moi, je suis très, très content que maintenant, je crois que le Congo a pris le dossier à main. Maintenant, il y a des négociations. On a vu l'implication des Nations Unies. On a vu l'implication. On a vu aussi l'implication. Mais ça date de longtemps. Les Congolais traînent. Le Congo a traîné, continue à traîner, à penser qu'il y aura des solutions extérieures. Et il continue à traîner. Et des gens continuent toujours à alimenter ce conflit. On voit des pays diversifiés qui continuent toujours à alimenter ce conflit. Personnellement, je crois que c'est un conflit congolais. Et les Congolais doivent absolument, maintenant qu'il y a une aide étrangère, c'est le bon moment, effectivement, de fixer d'une manière définitive, effectivement, de débattre les vraies questions du pouvoir, les vraies questions des moyens, des ressources. Parce que le pays, une fois qu'il n'a pas une stratégie congolaise, les gens continuent toujours à manipuler les uns ou les autres. Donc je me dis que la guerre au Congo, ça nous affecte. Et personnellement, comme quelqu'un qui suit de près les implications d'une guerre par rapport au développement, je vois qu'effectivement, cette guerre, non seulement a affecté négativement l'économie burundaise, même l'économie de la région. Donc les gens ne veulent pas le dire, mais je me dis qu'il est grand temps que les Congolais puissent comprendre qu'ils doivent trouver une solution au problème et surtout aller dans cette démocratie qu'on a toujours parlé, dans cette bonne gouvernance. Il suffit de ne pas répartir les ressources que vous avez à la population entière, la guerre va éclater. Donc je crois que le Burundi, même le Burundi doit tenir le modèle de comprendre qu'il faut tirer des bonnes leçons, des bonnes pratiques, des causes de guerre. Nous sommes habitués à la guerre au Burundi depuis un bon moment, depuis 1962. Il y a une guerre, depuis on trouve des solutions. Nous avons une culture de dialogue. Les Congolais doivent effectivement aussi copier le bon modèle et engager le dialogue sincère, effectivement, pour des dossiers qui les divisent. Parce qu'il y a des dossiers qui les divisent. Et voilà, Voilà ce que moi je pense. Merci beaucoup. Jean Samandari, un dernier mot. On a été à Gatumba. Parmi les doléances des habitants de Gatumba, c'est l'arrêt de la guerre, arrêter la guerre en RDC pour que la vie puisse se reprendre. Je pense que l'arrêt de la guerre est une condition sine qua non pour que la population de nos deux pays, pourquoi pas de la région, puisse vivre en paix et en bénéficie les avantages de la paix, notamment faire le mouvement, libre circulation des biens et des commerces et des personnes. Tout ça, s'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas l'arrêt de la guerre, ce sera impossible. Donc, il y a aussi d'autres projets de la Banque mondiale qui devraient être installés à Gatumba, notamment le marché, la route vers Vougizo, tout ça. Ça doit, c'est presque arrêté à cause de cette crise. Donc vous voyez que ce sont des conséquences négatives sur notre population en général et la population de Gatumba en particulier. Et en troisième lieu, je pense comme l'a dit Diomède, lorsqu'il y a un arbre à problème, il doit y avoir un arbre à solution. Ce sont les deux arbres qui vont ensemble. Comme il y a déjà des problèmes, la crise, les gens doivent s'asseoir et c'est autour de la table de négociation qu'il y aura la paix. En dehors de ça, les armes n'amènent jamais la paix. Les armes amènent toujours le conflit, amènent toujours le désarroi au niveau de la population, amènent toujours le recul dans le développement et dans le progrès du pays. Et comme vous l'a dit aussi, comme l'a dit Diomède, la crise de la RDC impacte non seulement la RDC, même les pays voisins. Pourquoi pas même l'EAC? Pourquoi pas même d'autres pays africains en dehors de l'EAC? Donc, le Congo, c'est un continent, comme les Congolais disent, aiment le dire, que le Congo, c'est un continent. Et quand c'est un continent qui est malade, il faut trouver une solution pour que cette maladie puisse guérir et ne pas contaminer d'autres pays qui peuvent être victimes de cette crise. Je pense que pour la population de Gatumba, nous voulons que cette guerre puisse s'arrêter sans délai, que les accords puissent être signés. Quand même, nous en félicitons puisqu'il y a des initiatives de gauche à droite. Il y a les États-Unis, il y a l'ONU qui s'active. Oui, il y a l'Union africaine, j'ai vu même c'est le Qatar, les Arabes là. Donc tout le monde doit s'activer pour que cette crise de la RDC prenne fin et que la vie puisse être redémarrée. Voilà, c'est sur ces appels et contributions de nos chers invités que l'on boucle cette émission. Mais disons merci à Jean Samandari de la Kobou. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi de nous avoir invités. Et la Kobou reste toujours disposée pour d'autres invitations. Nous sommes là et nous sommes au service du peuple. Merci. Nous étions aussi autour de cette table ronde avec Diomède Ninhérété, économiste. Merci à vous aussi, messieurs, d'être venus dans Mosaïque. Merci, Valiste, pour l'invitation. Merci, effectivement, pour ce débat qui est riche et qui va nécessairement contribuer à l'avancement de ce pays et surtout pour le commerce transfrontalier. On avait aimé être avec Jacques Roussengo, directeur général du commerce au ministère du commerce, du transport et de l'industrie. Mais celui-ci a été empêché dans les dernières minutes. Séraphine Hakidimana, Cédric Nibishaka, Berthier Mugiraneza étaient à la cabine technique et à la prise des images. À la réalisation, j'étais avec Alain Dédilé Boukeneza. À l'animation, vous étiez avec Evariste Nzikobanyanga. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Mosaïque. La radio Isanganiro traite les questions de la région des Grands Lacs. Mosaïque. C'est en partenariat avec l'organisation La Benevolentia. Mosaïque.